Ancien mauvais élève, nouveau chevalier des arts et des lettres. Écoute bien, je teste ta maman. On est tous l'enfant de quelqu'un. L'insulte facile au bout des lèvres. Elle est belle et qu'on s'en bat les yeux. J'ai vu la poudre tomber sur mes rêves. Elle est belle et qu'on s'en bat les yeux. J'en veux à la terre entière avant ma mise en pierre. Sur mon pur sang arabe, je pars en guerre. Je tombe, je retombe, je repars en guerre. Elle est belle et qu'on s'en bat les yeux. Y'a trop de cap, je parle tout bas. Ne jamais faire confiance au pouvoir. On va sûrement m'opérer le foie. On va sûrement m'enterrer deux fois. Y'a pas de mauvais business, y'a que des langues de plus. 100 kilos de bilan, ça fera toujours 100 kilos de plus. Je renifle à Monte Cristo, je craque une allumette. Ici le papier donné. Je rentre chez Valentine, je ressens pas le cul. Ta Valentine. La mort, j'y pense des fois, c'est une belle soirée pour ça. Mourir, pleurer, sourire, frérot, c'est chacun pour soi. Ce soir, je sens un cœur, je porte un bloc sur moi. Entre diamants, le rétro, police nationale. La mort, j'y pense des fois, c'est une belle soirée pour ça. Mourir, pleurer, sourire, frérot, c'est chacun pour soi. Ce soir, je sens un cœur, je porte un bloc sur moi. Entre diamants, le rétro, police nationale. Les hommes, je suis pas seul, et c'est Romain qui dans les chiottes. Par un petit voyou qui veut prendre du grade, je pourrais me faire flinguer au barbershop. Je remercie Vitry, inévitable, j'ai traversé la mer, j'ai vu la tour Eiffel. Je dois bouger, t'es déçu. Toujours assumé, jamais regretté, je suis nostalgique quand je tourne dans la zone. J'aime ma vie de famille, me cassez pas les couilles, je ressens le PM avec tes phares jaunes. Je suis à la maison, avec le piston, devant un Disney le samedi soir. Je ne peux pas mélanger avec eux, ils n'auront jamais mes sous ni mon histoire. Je suis pas de ces anciens gars, tu crois du noir devant le miroir. On a peur de Dieu, mais pour tout le reste, elle est belle, qu'on s'en bat les yeux. La mort, j'y pense des fois, c'est une belle soirée pour ça. Mourir, pleurer, sourire, frérot, c'est chacun pour soi. Ce soir, je sens un cœur, je porte un bloc sur moi. Regardons le rétro, police nationale. La mort, j'y pense des fois, c'est une belle soirée pour ça. Mourir, pleurer, sourire, frérot, c'est chacun pour soi. Ce soir, je sens un cœur, je porte un bloc sur moi. Regardons le rétro, police nationale. La mort, j'y pense des fois, c'est une belle soirée pour ça. Mourir, pleurer, sourire, frérot, c'est chacun pour soi. Ce soir je sens un club, je porte un Glock sur moi. Regardant le rétro, police nationale.